L'actualité à Nancy et ailleurs. Dans le cadre de l'adhésion récente de la ville de Nancy au réseau Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort, un collectif d'associations engagées organise un événement exceptionnel. Ce sera les 2 et 3 décembre. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Sylvie Mulic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre active de l'ACAT, qui est un des 3 membres de ce collectif avec Amnesty International et le Mouvement pour une alternative non violente et qui organisait donc ce rendez-vous. L'ACAT, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? L'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une ONG chrétienne qui appuie son action sur l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui refuse la torture, et puis aussi sur l'Évangile, puisque nous sommes une organisation chrétienne. Nous avons une activité localement qui consiste à apporter des soutiens à des prisonniers par des courriers que nous envoyons régulièrement, des mobilisations auprès des gouvernements pour faire respecter les droits et les engagements qu'ils ont pu prendre. Et puis nous faisons aussi localement de la sensibilisation du public, en particulier des jeunes, sur l'importance de ne pas lâcher le combat pour les droits de l'homme, contre la torture et aussi pour l'abolition de la peine de mort dans le monde, puisque c'est quelque chose qui est réglé en France, mais pas partout. C'est ce sujet avec donc le collectif, hein, je le rappelle, vous êtes associé à Amnesty International et le Mouvement pour une alternative non violente. Et ce rendez-vous des 2 et 3 décembre, vous allez recevoir une personnalité, Antoinette Chahine. Oui, pour faire ce combat, déjà on s'est mis à plusieurs. On était même 5 associations à interpeller la mairie de Nancy, parce que tout seul on n'avance pas beaucoup, il faut être nombreux. Déjà l'an passé, Antoinette Chahine est passée à Nancy et elle avait promis de revenir plus longuement pour une action cette année. Antoinette Chahine, c'est pas quelqu'un qui est connu de tout le monde, mais c'est une personnalité forte. C'est même une ambassadrice pour l'ACAT officiellement. C'est une dame qui a été arrêtée injustement, condamnée à mort, puis rejugée et finalement libérée il y a à peu près 25 ans au Liban. Et en fait, cette personne, elle a réussi, elle a pu être libérée par l'engagement de nombreuses ONG, dont l'ACAT et Amnesty International. Amnesty International a fait un dossier sur elle qui a permis de faire refaire son procès, et puis de l'innocenter finalement. Et les adhérents de l'ACAT et d'Amnesty International l'ont arrosé de nombreux courriers de soutien. Et ces courriers de soutien, c'est ce qui ont permis à cette femme qui a été torturée, qui a vécu 5 ans d'emprisonnement très dur, de tenir le choc. Et donc, depuis, Antoinette Chahine, elle voue sa vie à venir apporter son témoignage pour que cela ne se reproduise plus. Et donc, la rencontrer, c'est mettre un visage. C'est une jeune femme, comme toutes les femmes, quoi, qui, finalement, a continué, a repris une vie, s'est mariée, a eu des enfants, a perdu les 5 années de sa vie d'étudiante. Et donc, en fait, elle vient apporter la réalité de ce qu'est la condamnation à mort de certaines personnes dans le monde, ce que beaucoup de gens ignorent. Elle accorde beaucoup d'importance à témoigner auprès des jeunes. Et donc, cette fois-ci, elle vient faire une conférence grand public, mardi soir 3 décembre, à la salle Mienville, à 20h. Mais elle va aussi rencontrer lundi matin des lycéens du lycée Chopin et mardi matin des lycéens du lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert. Deux rendez-vous, donc un grand public, bien sûr, c'est la conférence du 3 décembre à 20h, vous l'avez dit, salle Mienville. C'est vraiment ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. Ça sera aussi un moment où la mairie de Nancy va l'honorer. Elle a déjà été reçue l'année dernière. C'est très important. Enfin, je crois que la ville de Nancy accorde une grande importance à son engagement dans le réseau des villes pour la vie contre la peine de mort. Et ils vont saluer le courage, la dignité de cette femme qui vient du Liban, malgré la situation compliquée dans ce pays, et qui vient aussi montrer dans son pays que sa cause est connue. Parce que écrire des lettres, parler des personnes qui sont emprisonnées, c'est porter l'attention sur leur situation et c'est améliorer aussi la façon dont elles sont traitées. Antoinette Chahine, invitée d'honneur donc de cette conférence le 3 décembre à 20h, salle Mienville, hôtel de ville de Nancy. Et bien sûr, la veille, donc elle va à la rencontre des lycéens. Toujours dans le cadre de cette journée mondiale des villes pour la vie, ville contre la peine de mort, un autre rendez-vous à signaler. Oui, alors la ville de Nancy, par son engagement dans ce réseau, apporte le soutien à nos associations pour faire de la sensibilisation du public. Et nous avons donc un espace qui nous est accordé à la MJC Pichon pour accueillir des classes. Alors là, ce sera des classes de 4e qui vont être accueillis par des groupes d'Amnesty International, de l'ACAT, aussi un représentant de l'aumônerie des prisons de Nancy et de Toul, autour d'une exposition qu'Amnesty International a réalisée sur le thème de la peine de mort. Et donc, on va accueillir ces classes dans des ateliers pour les faire découvrir, réagir, s'impliquer et se sentir concernés par ce sujet. Merci beaucoup, Sylvie Mulick. Je vous en prie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.